Ça me dit qu'on est là, c'est ici la famille. Ça me dit que c'est ici la famille. Ouais, ouais. Mais non, c'est ici la famille. C'est sans motif. Mec. Toujours là, ma gueule. Toujours là. Sans motif. Toujours là, ma gueule. La vie est belle et speed comme une Toyota à 26. Mais elle est hard quand elle se rue sur un homme à 26. Sa mère, elle peut être aussi laide que la mère de Fontenay. Des fois j'ai des visions tristes, surtout quand j'ai l'air défoncé. Je défendrai toujours les miens même s'il n'en fait pas un centième. Du coup je rappe ma vie, je représente toujours ma centaine. On voit pas le fond de la bouteille, on se met à picoler Q7. Nique sa mère, le bonheur n'a jamais roulé en Q7. Y'a pas mal d'enculés dans ce game, ils se prennent pour des lyricistes. Ils écrivent tellement de merde que j'ai honte de les lire ici. Je vois l'avenir avec des gosses venant d'une femme qu'on ne trouve plus. L'humain croit tout ce qu'il entend. La Bible est remplacée par des revues. Les Françaises me font sourire, elles se prennent pour des maghrébines. Vois la vérité en face, elles voudraient me brûler la rétine. Frère, on est là, on n'est jamais parti. Je fais du rap au feeling, pas que l'anti-pop couvre une pastille. Ce que tu penses, on s'en branle, on des mecs simples, on récit triste. Quoi que tu penses, faut du fric fils. Prévois le médecin car qui s'y frotte, s'y crame. Des textes sur l'alcool et la solitude. Les illusions, les espoirs et les sales habitudes. Faut se tailler gros, quand des lots, faire les doses, allez se finir au laisso. La routine d'un édo, dans les poches y'a nada. Vu que le système t'avale, l'inflation exaspère. Je vais me faire la belle comme la dame. J'dors mal, et rien à faire frère. Faudrait que le temps efface les dommages, alors j'persévère. D'apercevoir un bel avenir et des dollars. Petit j'apprendrai à mon fils que les faux sourires sont des voraces. Ne compte pas sur les hypocrites, aussi faux qu'un sac Prada. Méfie-toi de ton entourage, en grand nombre des sales bâtards. On est là, sans motif, sa mère nique les médisants. Entre les fous et la merde, faut savoir garder ses distances. On est là, sans motif, on n'est jamais parti. On fait du rap au feeling, pas que l'anti-pop, okay. On est pas. On est là, sans motif, sa mère nique les médisants. Entre les fous et la merde, faut savoir garder ses distances. On est là, sans motif, on n'est jamais parti. On fait du rap au feeling, pas que l'anti-pop, ouvre une hépatite. Les récits sont, je m'y spécialise, de toute façon y'a que ça qui me correspond. Underground comme ma vie, y'a que dans ça qu'on est bon. Vas-y, arrête ton plat là. Hey, t'as le bactérie. Non, non, je suis qu'une sale bactérie. L'école c'était pas terrible. Et les potes fumaient de la résine, on se la raconte. Qui te l'a dit, j'sais pas, mais ils te l'a mis. Nique leur style, je l'ai déjà dit. Frérot, j'me sape chez qui habille. La musique, on passe par elle, j'tabasse, hey. J'veux une Mercedes, SLR, McLaren. Fallait que j'me trouve un bis mortel, j'te l'ai pas dit. La vie m'enterre, mais reste scred et méfiant. Car c'est vers la juge qu'il t'entraîne. J'ai les deux pieds dehors et la tête enfermée. Je soupçonne le croupier d'avoir truqué les dés. Okay. Tu me chantes tes belles paroles, alors remballe ta voix. Pourquoi j'suis froid du regard? Parce que j'te rappe la poisse. Et j'reste unique parce que chez moi, tout le monde s'appelle pas la famille. Ta cita qui fait nos voix, j't'envoie des gars, tu te déshabilles. On s'est fait tout seul, de l'indé à l'état pur. On a tout fait pour être en marge de leur caricature. Ta carrière vois-tu, passe un briquet que j'éclaire mes pensées sont. J'suis bien conscient que mes textes sont assez proches de la pendaison. Des années sans saison, des actes violents sans raison. J'ai du mal à croire que l'homme peut vivre normalement sans maison. Réfléchis, ne jette pas ça aussi, tu n'as pas pied. Si tout allait bien, je n'écrirais rien sur ce bout de papier. Y'a trop de mal usine, j'veux pas voir ma sœur standardiste. J'veux que les miens aient confiance en moi, mais qu'il est quand même. Je pleure sur du papier devant les autres, je me fends la gueule. Devant les vraies femmes, je tends mon cœur. Devant les crasseux, je tends la gueule. Les tentacules du vice te poussent à prétexter n'importe quoi, à faire n'importe quoi. Pendant que moi j'écris des textes impardonnables à part mon calme. J'aimerais te dire que je suis un cassin. Je rêve de décrocher la lune comme un coup de bite décroche un placenta. Sans motif, sa mère nique les médisants. Entre les fous et la merde, faut savoir garder ses distances. On est là, sans motif, on n'est jamais parti. On fait du rap au feeling, pas que l'anti-pop, okay. On est là, sans motif. Sa mère nique les médisants. Entre les fous et la merde, faut savoir garder ses distances. On est là, sans motif, on n'est jamais parti. On fait du rap au feeling, pas que l'anti-pop, pour une hépatite.